Chapitre 2. Le soir du lendemain, André travaillait seul dans son cabinet. Il avait bien de la peine à contraindre à l'étude son esprit harassé. Mais il était de ceux pour qui le devoir est devenu l'essence même de la vie, et il remplissait son devoir. Une main discrète frappa à la porte, et il vit entrer Florence. Les yeux de la vieille femme étaient rougis par des larmes récentes. Elle avait si rapidement vieilli qu'elle n'avait plus d'âge. Son corps s'était voûté, elle marchait péniblement, comme accablée sous le poids d'un fardeau trop lourd. André eut pitié d'elle. Langlois avait fait sa triste communication. « Asseyez-vous, ma bonne, » dit l'ingénieur, prêt à vaincre sa propre répugnance à parler de Rose, pour donner une dernière consolation à celle qui l'avait aimée. La vieille femme secoua négativement la tête. Elle s'approcha, appuya ses deux mains sur le bureau, et levant sur André ses yeux taris. « Elle a voulu vous tuer, » dit-elle à voix basse avec une profonde horreur. Le jeune homme fit signe que oui. Les paroles manquèrent à ses lèvres. « Elle n'était pourtant pas méchante, » continua Florence, comme si elle se parlait à elle-même. « Mais elle était volontaire. Elle n'aimait pas ce qui l'empêchait de faire à sa guise. Le mariage n'était pas ce qu'il lui fallait. Elle aurait détesté n'importe quel mari, s'il avait voulu l'empêcher de suivre son idée. « C'est un malheur qu'elle se soit mariée, monsieur, un grand malheur. « C'est un malheur aussi pour moi, » dit André. « C'est vrai. Vous avez eu plus que votre part de peine. Vous aviez bonne intention. Cela se voyait tout de suite. Et moi, j'ai été bien contente quand j'ai vu que vous aviez envie de l'épouser. Comme on se trompe, pourtant. » Elle poussa un soupir et passa la main sur ses yeux. « Voilà ce que je voulais vous dire, monsieur. Je vais m'en aller. Je ne peux pas rester ici, c'est impossible. Cette maison où je l'ai vue, et puis vous, non, c'est impossible. Je vais rendre mes comptes à monsieur. » Elle tira de la poche de son tablier son petit cahier de compte et le mit devant André, qui le repoussa doucement de la main. « Qu'allez-vous faire? Où allez-vous aller ? » dit-il avec bonté. « Je pourvoirai à vos besoins. »« C'est inutile, » fit la vieille femme en se redressant. « Je remercie bien monsieur de sa bonté, mais j'ai assez pour vivre. Elle était généreuse, elle était bonne. Elle me faisait placer de l'argent, et une fois elle a donné une représentation à mon bénéfice. » C'est-à-dire qu'elle a placé pour moi tout l'argent de son bénéfice. Oui, monsieur. Et même elle a vendu un bracelet qu'on lui avait envoyé ce jour-là. Elle en a mis l'argent avec le reste. J'ai de quoi vivre, monsieur. Florence regardait fièrement André qui baissa la tête. En effet, Rose était bonne, quand rien ne contrariait ses instincts ou ses désirs. Si monsieur n'y met pas d'opposition, reprit la vieille servante, je m'en irai demain matin. Comme vous voudrez, Florence. Monsieur ne peut pas rester seul. « Madame Langlois a promis d'envoyer une personne pour servir monsieur. Elle est bien bonne, Madame Langlois. C'est une femme comme ça qu'il aurait fallu à monsieur. Ma pauvre Rose serait encore en vie. Enfin, ce qui est fait est fait. » Elle soupira encore, puis demanda timidement, « On ne sait pas où est son pauvre corps ?» André fit signe que non. « J'aurais pourtant bien aimé aller voir l'endroit. C'est loin, monsieur ?»« Oui, Florence, c'est loin. Et pour s'y rendre, c'est très compliqué et difficile. » « Ça ne fait rien, monsieur. J'aurais été tout de même n'importe où, si elle m'avait seulement écrit pour marquer l'endroit. Est-ce qu'on la retrouvera, dites ? C'est possible, Florence, quoique ce ne soit guère probable. Si on la retrouve, je vous le ferai savoir. Personne ne le désire plus que moi. » La vieille femme le regarda un instant, surprise, puis elle dit « Ah, je comprends, pour les papiers, n'est-ce pas ? Monsieur Langlois m'a expliqué ça et m'a même recommandé de ne rien dire à personne. » Sa recommandation était bien inutile. Je n'ai guère envie de parler d'une chose qui me fait tant de honte et tant de chagrin. Elle se détourna pour s'en aller. Tout à coup, André pensa qu'elle pouvait lui apprendre des choses qui lui importaient de savoir. « Écoutez, Florence, je vous jure que ce n'est ni pour blâmer, ni pour flétrir la mémoire de la femme qui a porté mon nom, que j'ai aimée et laquelle, s'il pouvait se retrouver ici vivante entre nous deux, je pardonnerais. Mais comme époux, j'ai droit à savoir certaines choses. » Que je ne chercherais pas à connaître si elle vivait. Je vous en conjure, au nom de tout ce qui vous est cher, de me dire si ma femme a reçu ici ou ailleurs un homme qu'elle m'aurait préféré. Il faut que je le sache, parce que si cet homme existe, il a une dette à me payer et il me la payera. » Florence le regarda en face. « Je comprends, » dit-elle. « Vous voudriez vous battre avec lui. Non, monsieur, je vous donne ma parole que votre femme n'a pas reçu d'homme qu'elle vous ait préféré. Ça aurait pu arriver, je ne dis pas. Mais jusqu'au jour où elle est partie, excepté un Parisien qui a dîné ici une fois. Elle n'a vu personne et le docteur Langlois est venu le soir. Non, monsieur, il n'est rien arrivé. Mais avant, insista André, poursuivi par une jalousie rétrospective assez bizarre. Je suis sûr qu'elle ne m'aimait pas, qu'elle en aimait un autre ou qu'elle l'avait aimé. Cela, monsieur, fit la vieille femme avec un geste mystérieux, c'est le secret des morts. André ne dit plus rien. Rose resterait une énigme pour lui. Que lui importait d'ailleurs maintenant ce qui s'était passé dans le cœur de cette femme étrange, si peu faite pour le comprendre? Elle dormait maintenant pour toujours sous les eaux profondes du fleuve, dans quelque crique écartée, au milieu des herbes flottantes, qui lui faisaient un linceul. Son corps charmant serait emporté quelques jours vers l'océan, ce grand cimetière. Paix à son âme. André, encore trop troublé pour arriver jusqu'au pardon, se forçait au moins à la charité. Florence quitta la maison le lendemain matin. Elle n'eut pas le courage d'abandonner la ville. Chartres lui tenait au cœur par mille fibres douloureuses. La maison au bord du rempart où elle avait soigné Rose pendant sa longue maladie l'attirait insensiblement. Elle s'en rapprocha et finit quelque temps après par être chargée du soin de l'entretenir ainsi que le jardin. Cette occupation, en remettant sous sa main les objets familiers qui avaient servi à Rose, trompa son cœur et donna un but à son activité. André restait seul dans sa petite maison, aménagée si peu de temps auparavant pour recevoir sa jeune épouse, se sentait comme sous le poids d'un affreux cauchemar. Son mariage, Trouville, la Belgique, tout cela tourbillonnait dans sa tête au point que parfois il se demandait si tout n'était pas un rêve. Sa blessure, qui le brûlait encore de temps en temps, lui rappelait que la réalité, plus horrible que le rêve, n'entendait pas lui faire grâce. La curiosité de la ville s'attachait à lui, malgré son imperturbable apparence de calme. On osait le questionner, mais la disparition de Rose, venant après ses absences singulières, prêtait à tous les commentaires. Madame Brun triomphait. « Elle ne reviendra pas, allez, » disait-elle. « Je vous demande un peu si c'est naturel qu'un homme marié depuis 4 ou 5 mois laisse sa femme voyager seule. Il a beau dire que c'est pour sa santé, elle n'est pas plus malade que vous et moi, voilà la vérité. Elle s'amuse, pauvre garçon, il méritait mieux. » Mais aussi, quelle idée d'épouser une comédienne! Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait de se marier avec une jolie petite fille bien élevée? Il n'en manque pas, à Chartres, des demoiselles à marier, ni ailleurs. La bonne dame était l'écho à peu près fidèle des discours de la ville. Peu à peu, cependant, la curiosité se calma devant le sang-froid des réponses toujours les mêmes de Langlois et de sa femme. C'était près d'eux qu'on avait espéré obtenir des détails intéressants. Lorsqu'on se fut bien assuré qu'il n'en donnerait pas, force fut de renoncer à rien savoir.